du tout. Elles sont apparues d'un coup, ces larmes sur mes joues. Que va-t-il se passer après nous, qui partageons toujours tout, nos douleurs et nos bijoux, comme les rires les plus